C'est bluffant ce qu'elles arrivent à faire avec tous ces petits objets hétéroclites comme ça. Il n'y a pas d'instrument sinon sur scène, hein, à part le... Non, une voix. Voilà, deux voix. Là, je crois que c'est des cordes tout à l'heure. Les enfants vont arriver. She saw me anyway in the back of the creek one day. And if you're trying to get away on a roller skate or a bike, just ask me, I'll take you. Bye.